Bon, alors on a tener, qui au passé du point donne tuve. Estar, qui donne estuve. Et maintenant, ajoutons un autre. C'est haber, qui donne ube. H-U-B-E. Ube. Donc, j'ai eu, si c'est un point dans le passé, c'est ube. Hein? Ube avec je et ubo avec il, elle ou usted. Alors, ils ont eu, au passé du point, ça sera hubieron. Hubieron, c'est ça. Alors, comment direz-vous si je l'avais vendu, parce que après si, on va avoir le subjonctif imparfait qu'on obtient à partir de la forme avec il ou elle au pluriel, du passé du point. Alors, comment direz-vous ça? Si. Si hubiera. D'accord. Hein? Si hubiera, alors, si je l'avais vendu. Si. Si lo hubiera vendido. Si lo hubiera vendido. Si lo hubiera vendido. D'accord. Hein? Si lo hubiera vendido. Si je l'avais vendu. Comment direz-vous? Si je l'avais vu, je l'aurais acheté. Si je l'avais vu. Si lo hubiera. Si lo hubiera. Visto. D'accord. Si lo hubiera visto, je l'aurais acheté. Habría. Je l'aurais acheté. Lo habría comprado. D'accord. Alors, dites-le-moi à nouveau. Si je l'avais vu. Si lo hubiera visto. D'accord. Si lo hubiera visto, je l'aurais acheté. Lo habría comprado. D'accord. Si lo hubiera visto, lo habría comprado. Si je l'avais vu, je l'aurais acheté. Donc, vous voyez que hubiera est beaucoup employé après si. Comme par exemple pour dire si je l'avais su. Tiens, comment direz-vous ça? Ou prenons. Et ils ont fait au passé du point. Hicieron. Hicieron. Hicieron. Alors, si je le faisais, là encore, vous allez employer le subjonctif, le subjonctif imparfait, ça se dit si lo hiciera. Hiciera. Si lo hiciera.